Si ça m'était trop que la chouette, alors dormir en tardio, ma mette les pros, et que t'es là, le chrôte. Il me va en petit trompe, tout comme qui va te croquer, un peu hack, puis mercredi, et l'autre, ton petit chat, on se bat en petit trompe. Qui te tombe, parce que si t'en fais tomber, tout le kiff, vous savez, il y a des hatiens, puis tu veux galérer, il y a un gant de schlap. Il y a un schlap. Pugel, pugel de mal. Pugel, tu me gardes le cry. Pugel, pugel de mal. Pugel, tu me gardes le cry. Tierschutz war ein Sack zu unserer Arbeit, nein. Wer will ja diese Tiere schützen, doch wen soll das nützen? Es gibt viele Selefter, was kommt, was wird der Flügel hat. Und ein Beweis dafür ist unser liebes Wappentier. Ja, Tier. Die schlimmsten Vögel von den allen lassen ab und zu was fallen. Es ist kein Kot, es ist der Tod. Vögel, Vögel im All.